poussez-vous, on est mal. Poussez-vous, on est mal. Poussez-vous, on est mal. Poussez-vous, on est mal. Les gars, je rappe avec la rage, j'vais tout péter. J'tourne par la page avec les prépas, tu suis pété. J'compte pas sur le cash ou le qualité. Tu parles de coups, putain de jaloux, mais c'est pas fondé. Il te reste quoi? Mais pas arrête tes plaques, tes kilos, mytho, arrête tes blagues. Tu donnes les soins à tout le monde, alors fais pas le héros. Assume tes conneries, point pas qu'il fait un bravo. Venez, venez là, son art c'est pas ici, on est là. La devise, c'est ni vidi bichi. Mais qui t'a dit que c'est fini? Ils ont pété les plombs, on a commencé, on finit, on a pris du galon. Attends, je reprends mon souffle, le jour, la nuit, on gratte, on rappe, on frappe le beat, on tape des beats, tu rends, fais des feats, on braque. Et tout ça pour une instru, ici t'es pas intrus, on fait ça pour le télé. Tu seras jamais déçu, on fait pas du rap déchu. On n'est pas là pour rire. Poussez-vous, on est mal. Poussez-vous, on est mal. Les gars, dites-vous qu'on n'est pas là pour faire un single. Mini-minimum, comme l'a dit Mano des mythes. Préparation de l'album, attends, c'est de la bombe. Zona, c'est pas un coup de gueule. Les gars, dites-vous qu'on a croqué la pomme d'après. Si tu veux faire un feat avec nous, ben t'appelles. Si t'es pas fait mieux que nous, on ferme ta gueule. Tu fais partie des jaloux, ben ferme ta gueule. Ici ça parle et ça parle, mais ça fait jamais rien. La plupart des mecs se poucardent pour une garde à comme des chiens. Y'a ceux qui font ami-ami avec toi. Te disent qu'ils s'habitent à Miami, mais tu leur payes le kawa. Poussez-vous, on est mal. Poussez-vous, on est mal. Poussez-vous, on est mal. Poussez-vous, on est mal. 3-4-13, c'est l'OM, ni de Barça, Real, Milan, Bayern, n'aura pas fait de pire. Pas besoin de billets, pour des amateurs, on m'a pas tenté à briller. Vous aurez autour des milliers, à savoir par cœur, des paroles oubliées. Où il est, ce petit rappeur, où il va, d'où il est. On s'en bat les couilles, écoutez, sans pas le boulet. Voulez-vous les pieds, on va donner votre avis. Je rappe pour les miens, t'inquiète pas, ils sont ravis. Traduction, on baisse la jalousie, j'ai pas de jacuzzi, mais j'ai de l'ambition. Si t'es pas ma poésie, garde ta position, bougez pas d'ici, te fais pas d'illusion. Poussez-vous, on est mal. Poussez-vous, on est mal. Poussez-vous, on est mal. Poussez-vous, on est mal.